Ya. Ça file. Ce texte est destiné, tu étais ma dulcinée, tu devais être ma destinée. L'avenir on aurait pu le dessiner, le décider, le désirer. On aurait pu l'imaginer, on aurait pu faire notre propre ciné. Mon cœur déchiré, décimé, moi-même j'hallucinais. Je me mentais honoré, présentais notre futur doré. Cette soirée a fini par t'enchanter, les enchanter. Notre amour en chantier après un mauvais sentier. Je pensais être le seul pour toi, le seul dans tes bras, le seul sous ton toit, le seul dans tes draps. Attitude naïve, je rêvais, je vire. Aujourd'hui je ferme les yeux et mon cœur est chavire. Les jours et les nuits se suivent et aucune news ne m'arrive. Faudrait qu'on m'explique pourquoi tu m'esquives. La vérité tombe sur mon cou, tel un couperet, un pied dans la tombe. Mes pensées profondes, toujours occupées, et mes yeux s'inondent. Pour toi, ma poupée, mais voilà, un son, une musique gronde. J'entends ta voix là, une affiche, une fille brune, ton visage, voilà. Mais voilà, le voile se leva sur la mauvaise voilà. Tu m'as abandonné entière, tu t'es donné. Comment pourrais-je te pardonner, ma confiance te redonner? Pour moi, le glas sonnait, dans ma tête résonnait. Trier notre paché gâché, fallait raisonner. Effacer mes pensées, tous ces instants à part que j'ai encensé. Tous ces instants à part que j'ai recensé, insensé. C'est on était censé ne jamais cesser, leur rancœur s'immiscer. Ça m'écœure, je crisais car mon cœur tu le sais. On a voulu se rapprocher, on a fait que s'éloigner. On a rien à se reprocher, on peut tous deux en témoigner. Je me suis trop vite accroché, ça sert à rien de le nier. Et je sens encore attaché ta petite gourmette à mon poignet. À quoi pourrais-je me raccrocher, ma plaie ne fait que saigner. Seigneur, peux-tu me soigner, peux-tu m'enseigner. Ce sentiment que l'on apprend nulle part, que l'on comprend trop tard. Qui rend à part, agarre à voir, à croire que l'amour n'est qu'un tard et un tort. Qui rend taré ou mort, qui comme le tabac et sa dépendance. Te passe à tabac, tes tabacs en silence. Je suis ivre, je veux vivre. Qu'on me délivre du conflit que je livre. Contre ce mal qui est un bien lorsqu'il est réciproque. Mais ce bien n'est plus rien si l'un des deux s'en moque. J'étais prêt à me pendre à une branche, à me trancher le cou ou à me briser la hanche, te jure. Je devenais fou, j'aurais décroché la lune pour t'entendre dire que je te manque. Ici t'étais à court de thunes, j'aurais même braqué une banque. Maintenant je marche dans la brume jusqu'à ce que Dieu me tente, car dans ma tête je brûle, je hurle. Saphir, saphir, saphir, saphir. Chaque nouvel amour est un nouveau départ, et chaque nouvelle rencontre est un nouvel espoir. Chaque nouvel amour est un nouveau départ, et chaque nouvelle rencontre est un nouvel espoir. Chaque nouvel amour est un nouveau départ, et chaque nouvelle rencontre est un nouvel espoir. Chaque nouvel amour est un nouveau départ, et chaque nouvelle rencontre est un nouvel espoir. Chaque nouvel amour est un nouveau départ, chaque nouvelle rencontre est un nouvel espoir. Ça fait.